Une pour Sylvain Lancelot, c'est sur sa cartographie des cafés. Enfin, ce qui me frappe, c'est que bon, ce qu'on appellerait parfois aujourd'hui les partis de l'établissement, ils sont donc en plein centre, donc les radicaux, la SFIO et la Fédération républicaine. Et le choix du Parti communiste comme du PSF, qui sont les nouveaux arrivants sur la scène politique locale, d'avoir des lieux de réunion excentrés par rapport au centre. Centre historique. Est-ce que c'est une question alors de prix du mètre carré, de location de salle? Est-ce que c'est une volonté délibérée de s'ancrer dans le monde ouvrier? Alors pour le PC, on le comprend, le PSF aussi à sa façon. Donc est-ce que, mais peut-être qu'il n'y a-t-il pas de traces archivistiques, il y a une stratégie délibérée de chercher des locaux éloignés du centre-ville pour mordre sur une clientèle ouvrière et donc se localiser? Est-ce qu'on a des traces de ça ou est-ce que ce n'est qu'une supposition C'est une supposition par rapport aux archives que j'ai pu trouver, parce que effectivement l'espace, quand on lit en fait la presse et quand on voit en fait s'effondrer en fait cet organe conservateur, la Fédération républicaine, et puis on dit que finalement toute la droite est évincée, la vie politique agivore, et on se rend compte effectivement que eh bien l'espace est saturé par l'alliance effectivement socialiste communiste notamment, véritablement. Et dès qu'il y a en fait des réunions qui ont lieu dans des salles comme le cinéma Rex, par exemple, ou la Scala, eh bien, ça risque, c'est très tendu. Donc, c'est pour ça que j'ai supposé, effectivement, que c'était une stratégie délibérée de s'éloigner pour éviter, effectivement, puisque ce lieu, en fait, du pouvoir municipal représentant, en fait, cette incarnation, finalement, de contrôler, effectivement, la ville. Là, on fait toutes les réunions, les meetings, à l'occasion, notamment, des 14 juillet. Je ne sais pas si... Non, je pense... Il y a peut-être aussi dans le cas du PSF la volonté de chercher à s'implanter dans un monde ouvrier. On sait que c'est une de ses cibles. Oui. Effectivement, la localisation procède aussi de ce choix. Oui, c'est ce que j'ai avec le. Alors, effectivement. On le voit bien sur la carte. Oui. Alors, j'ai une remarque là-dessus. En 1919-20, j'ai repéré des cafés dans lesquels il y avait des associations d'anciens combattants pour la mémoire de la guerre et des associations d'anciens combattants pacifistes. Dans le même café, mais évidemment pas les mêmes jours. Donc là, on peut se dire qu'il y a une habitude d'une cohabitation politique très antagoniste, mais que la popularité du lieu et la centralité du lieu fait que ça n'a rien d'inconcevable pour les contemporains. J'avais trois questions en fait à votre attention. Est-ce que l'appartement loué par le Cercle peut être défini comme un lieu privé ou est-ce que c'est un lieu public? Deuxième question, pourquoi ne pas fermer directement le café? Parce que ça paraît plus simple. Et troisième question, beaucoup plus triviale, est-ce que vous avez pu remarquer s'il y avait une voie d'évacuation en cas de descente? Alors, même si c'est au premier étage, est-ce que... Pour la première question, effectivement, j'aurais plutôt tendance à dire comme un lieu privé. Donc, nous sommes d'accord. Puisqu'en fait, dans l'inventaire qui est réalisé en 56, en fait, on a la description donc, des locaux et on passe, je crois que c'est d'une cuisine à directement les deux salles où le Cercle se réunit. Donc plutôt un lieu privé. Sur votre deuxième question, c'était par rapport... Deuxième question, pourquoi fermer le lieu? Pourquoi ne pas fermer le lieu? Eh bien, ils le ferment, en fait, avant, en 1850. Non, pourquoi ne pas fermer le café en entier? En 1850, le café n'est pas fermé, de ce que je comprends. C'est ça. Par contre, à partir de février 52, le café est fermé. À partir de février 52, le café est fermé, d'où le fait que l'agent de police doit aller cogner à la porte rue Royale pour tenter d'entrer dans l'établissement. Il est fermé à cause de l'heure. Mais pourquoi ne pas le fermer administrativement? Pourquoi ne pas l'interdire, le café? Ben, justement, l'hypothèse que je fais, c'est qu'en fait, le commissaire de police se trompe. Enfin, pendant un an, d'un point de vue judiciaire, il n'attaque pas la bonne personne, littéralement. Il attaque, tous les procès-verbaux sont faits, les trois premiers sont faits contre le propriétaire de l'établissement et non contre le Cercle, en fait. Et c'est véritablement ce qui, dans les échanges entre le préfet et le propriétaire, donc entre le préfet et le commissaire, c'est véritablement le sujet, en fait. Et il y a cette question-là de qui doit être attaqué. Et au final, on voit qu'en mars 53, lorsque le procès verbal est établi contre le président donc, du Cercle, à ce moment-là, celui-ci est véritablement dissous. Mais effectivement, comme vous le notez, il n'attaque pas le café en lui-même, ils attaquent le Cercle. Et là, j'avoue qu'au niveau des sources, la problématique que j'ai, c'est que les audiences au tribunal de simple police, pour ces deux années-là, je ne dispose pas de ces sources-là. Il y a des lacunes archivistiques. Donc, je ne peux pas savoir véritablement comment le tribunal de simple police... L'autre problème que ça me pose, c'est que comme le préfet a un pouvoir discrétionnaire, et comme il va y avoir la fermeture autoritaire d'un certain nombre de lieux publics, d'un certain nombre de cafés, après la loi du 29 décembre 1851, la question que je me pose, c'est pourquoi là, il ne choisit pas directement de fermer le lieu. J'ai une hypothèse, mais moi, à mon avis, c'est parce que dans ce genre de cas précis, comme on est dans une ambiance plébiscitaire, ils veulent attaquer justement les politiques et garder un café prestigieux, ne pas se couper de la population, et garder un lieu de sociabilité prestigieux ouvert. Ils ne veulent pas endosser le mauvais rôle. C'est-à-dire qu'on a une loi très coercitive et en même temps, on a un affichage, une volonté d'affichage et de vitrine qui fait qu'ils se trouvent en permanence pris entre deux feux. Voilà ce que... D'autant qu'ils se situent sur l'artère principale de la ville. Ce n'est pas dans une rue adjacente, c'est vraiment en plein cœur de la ville de Tours. C'est exactement ce qu'on dit. Il y avait une voie d'évacuation ? Alors là, je ne pourrais pas vous répondre. Une échelle de corde par la fenêtre. Alors moi j'ai eu l'occasion de travailler sur la commémoration notamment de la mort de Jaurès à Villeurbanne. Et en ce qui concerne le Parti communiste, c'était très intéressant parce que donc, pour la commémoration à fin juillet, à fin du mois de juillet, il y avait des cortèges qui arrivaient jusqu'à un clos, donc un café avec jeu de boules, et dans ces clos étaient organisés des concerts-conférences. Donc là, j'aimerais savoir si à Givors, on trouve le même type d'usage politique du café, c'est-à-dire à la fois un lieu d'activité politique, mais en même temps, on pourrait dire, festif, et donc ce qui permettait de réunir non seulement des militants, mais des familles, et de donner un éclairage beaucoup plus visible, par exemple, que la commémoration que faisaient très classiquement les socialistes entre eux dans une salle. Alors, je ne l'ai pas. Ça, c'est dans les années 20. Alors, je précise que c'est dans les années entre principalement 1925 et début des années 30. Alors, je ne l'ai pas trouvé, effectivement, parce qu'il y a des lacunes aux archives municipales de Givors sur les cafés. Les archivistes, en fait, en 10 ans, il y en a eu 3 qui sont donc là. Même quand j'ai demandé pour préparer cette communication à avoir un retour aux archives, quand j'ai demandé le fonds Montmartin, ils ne le trouvaient plus. Donc c'était un petit peu gênant, mais il y a beaucoup de jeux en fait, effectivement, beaucoup de cafés qui ont des jeux. Alors, je les rencontre effectivement quand je travaille sur la justice de paix, puisqu'il y a des accidents, mais je n'ai pas trouvé le nom des cafés en fait que j'ai cités. Mais il y a ce qu'organisent le PCF et le PSF, c'est des grandes tombolas, par exemple, qui réunissent les familles, et donc on dit, ben, venez nombreux. Voilà, donc ça, effectivement, des lotos, enfin, tout ce... des balles, voilà, des fêtes. Ouais. Et là, c'est très familial. Voilà. Je n'ai pas vraiment trouvé, en fait, de café dans lesquels... mais ça existe peut-être, je ne sais pas. Moi, j'avais trouvé ça dans les archives, ici, les archives de Parfantin. J'ai juste deux points. Vous avez parlé de la distribution sociale des habitants des rues, mais au niveau global, la distribution sociale de Givors, parce que c'est des structures qui ne sont pas comparées, donc pour saisir, il y a très peu de quand même patrons à Givors, si c'est une ville ouvrière. En fait, il y a des patrons, puisque Édouard Prenat, en fait, vit effectivement, ils vivent près de leurs ouvriers. Non, ouais. Il y a des patrons, ça oui. C'est des employés de bureau. Alors, employés de bureau, des corps intermédiaires dans les... employés de banque, en fait, c'est un monde très mêlé. En fait, Givors, c'est une ville où on trouvait à la fois des cafés un peu bourgeois, des cafés, en fait, des estaminets. On trouve effectivement tout type de boutique, de la plus luxueuse à la moins luxueuse. En fait, c'est une ville, en fait, qui est un monde très mêlé dans les années 1930. Donc ça m'amène à deuxième observation, la taille des cafés au niveau superficie. Parce que forcément, les cafés de taille, je dirais pas grande, mais évidemment pour avoir 150 personnes dans un lieu, on a quand même ici peut-être 150 sièges, et encore. Donc c'est quand même assez important pour des cafés. Et il n'y en a pas autant que ça, certainement. Vous m'avez dit 200, vous avez dit 210 cafés à territoire. Oui. Mais de toutes sortes, de toutes sortes. Faire une hiérarchie ventilée. Alors, je n'ai pas cette hiérarchie ventilée, mais je pense que dans les cafés comptoirs, il y en a qui sont en fait où on sort un comptoir qu'on met devant en fait la maison. Et, oui. Voilà, c'est. Il n'y a pas en fait de. J'ai pas trouvé de ventilation. Mais par exemple, pour le Parti communiste, quand il s'installe effectivement au 20 rue Fleury-Neuvaisselle, c'est un café, alors, c'est un café-restaurant aussi. Donc il y a de la place. Mmh. Voilà, vous avez effectivement, ce sont des cafés en fait qui sont relativement grands. Le café Coulon, en fait, place de la gare, c'est pas un petit café, ce sont des cafés, ce sont pas des petits estaminets. Je peux me permettre une remarque complémentaire. Dans tous les cafés assis, enfin dans tous, dans une grande majorité des cafés assis, il y a mention d'une salle attenante, au moins une, qui sert de salle de bal. Et donc, en fait, il y a un dispositif autour des cafés, je dirais déjà imposant, pas peut-être très important, mais déjà un café, en fait, un café assis. Il y a déjà un dispositif attenant qui permet d'envisager dans des configurations spécifiques un nombre de places bien supérieur à la contenance de la salle principale, me semble-t-il. Oui, c'est Bernard Droz en fait qui dit que souvent en fait les socialistes tenaient en fait dans l'arrière-salle. Eh bien ces réunions effectivement. voilà. Mais... À partir de quelle date ça... Parce que j'étudie le 18e. Je suis 18e ici. Ok, donc Gribaudy. Vous êtes moderniste. Gribaudy, Maurizio Gribaudy le dit sur Paris pour le Paris de l'avant 1848. Mm-hmm. Donc là, vraiment, on a déjà 1830-1848 dans les cafés, je dirais, intermédiaires, pas forcément les cafés pauvres, pas forcément les grands cafés des grands boulevards, mais dans les cafés intermédiaires, on a cette... Dans les cafés, on va dire, qui accueillent à la fois la population des ateliers parisiens et en même temps les premiers exodes ruraux, les premiers récipiendaires des cours. Ce que je peux faire, c'est qu'il y a des cafés qui s'associent à des théâtres. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement là. Là, je commence à avoir. Parce que moi, je ne connais pas à partir du milieu du 19e, ça dépasse. Mais c'est clair qu'il y a un changement aussi qui se passe au niveau des cafés maintenant. Ça, c'est ce que je ne voyais pas. Parce qu'il y a souvent des cafés attenants à un théâtre. Oui. Des théâtres qui font apparition au début du 19e. Et j'ai une question pour monsieur, ou une observation pour monsieur Gillet aussi. Parce que c'est. La société dont vous parlez, qui se retrouve avec M. Durel, ça c'est aussi une société plutôt avancée, donc qui se trouve dans un lieu nettement différent de les lieux dont vous parlez là, avec leur variété, leur gamme importante d'alcool qui m'intéressait d'ailleurs. J'aimerais bien revoir ça, parce que c'est précisément ce que je retrouve dans les cafés que j'étudie à Paris. C'est des variations très importantes, une gamme impressionnant de boissons alcoolisées. Là, c'était un extrait. Oui, ça m'intéresse juste pour comparer à ce qui était le cas 100 ans plus tard. Mais c'est clair qu'on n'est pas dans le même cas social ici. Les rangs sont extrêmement différents entre vos groupements nombreux et vos conciliabules un peu plus huppés maintenant. S'il vous plaît. Oui. Oui, comme il se trouve que j'ai fait un troisième cycle sur les débuts de boissons, avant de travailler sur des choses plus sérieuses, j'avais souvent rencontré des activités de prostitution, notamment au 19e siècle, alors que ce soit avec les servantes ou les serveuses, et je me souviens d'un sous-préfet, je crois, qui écrivait à ce sujet. Marie Thorne sera toujours Marie Thorne. Marie Thorne, c'est une servante d'auberge de Don Quichotte. Donc, vous voulez dire, n'attendez pas de ces femmes-là qu'elles aient de la vertu, et elles ont la jambe légère, et puis voilà, c'est comme ça, et ce sera toujours comme ça. Et puis, alors, effectivement, pour tout ce qui est la sociabilité autour des jeux ou des réunions, non seulement il y avait effectivement les salles attenantes, comme vous dites, Laurent, ou les arrières-salles, mais en plus, souvent, le café est accompagné d'un terrain. Par exemple, pour tous les jeux de quilles, pour tous les jeux de boules, ça se tient à l'air libre. Ça, je l'avais observé surtout pour le département du Nord, qui a été un de mes départements témoins. Et puis, enfin, pour le nombre de cafés, c'est vrai, quand on entend 200 cafés à Givors, vous avez 10 villes de 14 000 habitants, c'est ahurissant. Et je me souviens de descriptions dans des villes du Nord où des journalistes disaient, on longe une rue et on voit un débitant, à chaque fois avec l'enseigne et un nom différent. Mais il y a quand même eu un moment, alors je ne sais pas si vous avez vu, je ne sais plus à partir de quand ça s'est posé, ça, où il y a eu des arrêtés municipaux d'interdiction d'ouverture à moins de tant de mètres d'une école, d'un collège, d'une église, d'un cimetière, pour éviter les libations échevelées d'après les enterrements. Vous avez rencontré... Oui, ce... loi de 1873. C'est 75. 73. Et c'est réactivé pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, la Seconde Guerre, ouais. Et la Première Guerre mondiale a été quelque chose de très fort par rapport au café et à l'alcool, avec un arrêté, si je me souviens bien, d'interdiction de la vente d'absinthe, pour éviter, vous avez employé le mot, je ne sais plus lequel des deux employé le mot avarié. C'est moi. Ce qui est un mot terrible quand on parle des avariés. Alors ça peut être aussi, c'est essentiellement la syphilis, l'avarie, hein. Mais au temps de la Première Guerre mondiale, on ne voulait pas que cette avarie, entre guillemets, soit accrue et accentuée par l'alcool et la dégénérescence des tissus. Et alors je ne sais plus non plus lequel des deux a parlé des boissons hygiéniques. Cidre c'est vous aussi. Donc, cidre et bière, mais pour les médecins, le vin était aussi une boisson hygiénique. Et d'une certaine manière, enfin, je pense que d'une certaine manière, l'ouverture des cafés a pu être plus facilement admise. Parce qu'on pensait que boire du vin, c'était bon pour la santé, puisqu'on en faisait même boire aux enfants. Coupé avec de l'eau, mais enfin, ils avaient quand même du vin. Je crois que j'ai des questions pour tous les deux qui concernent un peu le même sujet, c'est-à-dire l'implantation des parties ou des cercles. C'est-à-dire, Sylvain, tu parles de lieux de réunion, mais est-ce que tu sais si c'était le siège des comités? C'est-à-dire, est-ce qu'officiellement, les comités avaient leur siège dans ces cafés? Et donc, est-ce que, ben, par exemple, la scission, enfin le basculement côté d'Aliédériste entraîne un déplacement du siège du comité radical. Et est-ce que d'ailleurs il y aurait une scission de comité, puisque le parti radical entre deux guerres, les scissions de comité, c'est quelque chose de très fréquent. Et de la même manière, Rémi, est-ce que tu as vu sur la même période d'autres cercles qui se réunissent dans d'autres cafés de Tours avec peut-être des sensibilités différentes? J'ai vu ça, et aussi un point que j'ai dû mentionner, c'est que le siège du journal Le Progrès dans la Loire, qui est le journal républicain de 48-51, est juste en face du café. Donc il y a une proximité assez importante à ce niveau-là, clairement. Oui, majoritairement, ce sont les sièges, effectivement, des parties, ces cafés. Parce que souvent, en fait, c'est là où il faut être très attentif quand on lit la presse. Il y a parfois marqué « réunion au siège ». Des fois, c'est marqué « réunion au siège, café ». Hein. Donc, il ne faut pas louper cette information. Et donc, c'est vrai que j'ai vérifié, oui, c'était marqué « café au siège ». Il le véritablement, là, cette translation, effectivement, du café, en fait, du siège des radicaux. Voilà, ça m'avait vraiment marqué quand je l'ai vu, là, puisque... je me suis dit, ça suit vraiment en fait le discours d'Aladier sur il faut remettre la France au travail, et vraiment septembre, et après il y a ce vœu émis fin septembre. Je l'avais remarqué aussi pour les sociétés de libre-pensée, justement. Je voyais souvent annoncer dans la presse les réunions des sociétés de libre-pensée qui avaient leur siège avant qu'elles ne réussissent à avoir l'équivalent d'une maison du peuple où elles pourraient s'implanter. Oui, cette question est... Oui, et aussi ça, la question... Je crois que j'ai retrouvé dans les tournées de Lucien Roland, j'ai regardé dans ma base de données, il y a une réunion à Givors en 1922, et elle est marquée au siège de la... Elle est indiquée des sièges de la section. Voilà, et donc typiquement, on ne sait pas là si c'est une salle ou si c'est la section qui a son siège dans le café. En plus, là, on ne sait pas le café, donc là, on est vraiment pris par le... Fait. Moi, si je peux me permettre, juste une question. Du coup, ça m'a surpris, je ne connais pas l'histoire du Parti communiste dans le Rhône. Mais c'est une, j'arrive pas à croire que la plantation soit si tardive. Il n'y avait pas de section du Parti communiste. Parce que justement, en 19 ou en 22, quand Lucien Roland visite, il dit que ça se bat, je crois, avec les communistes, j'imagine, c'est généralement avec eux qu'on se battait à ce moment-là. Donc voilà, ma question, est-ce qu'il y a eu avant, et du coup, est-ce qu'il y a eu, si jamais il y a eu une section qui est tombée, comme ça arrivait souvent, est-ce qu'on a la trace de l'endroit où la section initiale a été fondée, quoi? Alors, je n'ai pas trouvé, mais il y avait des sections, effectivement, dans les usines. Voilà. Les communistes, en fait, tiennent, en fait, des... Enfin, en tout cas, c'est véritablement, en fait, cette partie de l'aide est marquée, effectivement, que la section constitutive, en fait, du rayon de Givors, la section de Givors, eh bien, c'est véritablement au début de l'année 1936. D'accord. Voilà. À l'angle de... c'est marqué comme ça, à l'angle de la rue Puyolier, et, en fait, ça débouche, en fait, sur la place de l'hôtel de ville. Voilà. Donc c'est ce que j'ai pu trouver. Voilà, mais... On a encore le temps pour une dernière question avant une petite pause. Oui ? Oui, éventuellement, j'aimerais savoir si pendant les réunions donc au café, on a pu avoir, j'imagine, d'informations précises sur comment se déroulait la réunion. Mais il me semble que vous avez parlé que ça dépasse près de cuisine. Est-ce que la réunion était juste au final un débat où ça se chahutait verbalement ou quelque chose de plus structuré, plus... La seule information que j'ai au niveau de la teneur des débats, c'est en 1850, on parle effectivement de discussions bruyantes alimentées par la lecture des journaux. C'est la seule partie que j'ai effectivement. Sur un commentaire du journal. C'est un commentaire fait par la police. Et effectivement, au niveau de la presse, la problématique que j'ai, c'est que à partir de décembre 51, il n'y a qu'un seul journal politique en Indre-et-Loire, c'est le journal d'Indre-et-Loire qui est d'opinion conservatrice. Donc il ne mentionne en aucun cas les activités de ce cercle-là. Donc en fait, effectivement, là vous n'avez pas pu voir beaucoup de presse, puisqu'effectivement, j'ai aucun moyen, à travers la presse, à partir de décembre 51, de faire mention des activités de ce cercle-là, en fait. T'as entendu qu'il faut quand même bien différencier aussi les abonnements à la presse, oui, d'exemplaires qui peuvent être amenés parce que le café devient un lieu, dès le 18e alors en l'occurrence, devient un lieu de lecture, comme le cabinet de lecture, qu'il n'est pas. Et justement, cette espèce de développement de la lecture orale est quelque chose d'absolument fondamental pour l'acculturation politique. Mais en même temps, là-dessus, faute d'archives, on est conduit qu'à des supputations. Et c'est bien tout le problème de la thématique qui nous occupe. Et au niveau des cercles, la seule information qu'on peut avoir, c'est lorsqu'on a accès au règlement du cercle, où il peut y avoir parfois la liste des journaux auxquels le cercle est abonné, en fait. C'est le seul moyen d'arriver à avoir ce genre d'informations. Mais c'est très rare. Et en l'occurrence, pour ce cercle-là, je n'ai pas pu avoir l'information sur les abonnements du cercle. Mais néanmoins, avec la proximité avec le Progrès d'Indre-et-Loire, ça permet de faire une hypothèse assez crédible. Voilà. Très bien, merci pour cette